Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isangani. Bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici l'essentiel. Le 28 août 2000 au 28 août 2021, 21 jours pour jour, que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi a été signé. Le politologue et professeur d'université Denis Bashimiwusa trouve que la communauté internationale devrait garder un œil vigilant sur cet accord qui occupe une place de choix dans la politique burundaise. Et à Rumonge, à trois jours de la date butoir de démolition des constructions anarchiques, l'administration provinciale de cette province déclare avoir atteint 98% de cette activité. Et le conseil des ministres réuni cette semaine a adopté le projet de décret portant organisation et fonctionnement du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature. Et après cette édition, je vais céder le micro à Jean-Bosco Ndouimana pour vous présenter la revue de la presse. Voilà pour l'essentiel. Alphonse Koubimana assure la mise en onde. Je vous le disais tantôt, l'accord d'Arusha garde une place prépondérante au Burundi, d'autant plus qu'il est pris en considération dans différents textes régissant le pays. C'est l'analyse du politologue Dr Denis Bashimiwusa à l'occasion du 21e anniversaire de l'accord, de la signature de cet accord. Selon lui, les institutions étatiques sont bâties sur base de l'esprit de cet accord. Suivez-le. L'accord d'Arusha a gardé une place et garde une place prépondérante dans la politique burundaise, mais aussi dans la vie nationale de tous les Burundais. Nous analysons cela sous deux aspects principaux. Le premier aspect, c'est d'ordre purement politico-administratif. Au niveau politique, au niveau administratif, nous savons que toutes les lois, tous les textes de loi s'inspirent de l'accord d'Arusha, de la Constitution jusqu'aux autres textes de loi d'application. Et puis, nous avons la structure des institutions gouvernementales, étatiques, qui sont bâties sur base de l'esprit et de la lettre de l'accord d'Arusha. En l'occurrence, le gouvernement, en l'occurrence, le Parlement bicaméral composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, en l'occurrence, l'administration territoriale, en l'occurrence, les institutions d'Ombudsman, les différents conseils nationaux qui ont été mis en place par l'accord d'Arusha et qui sont opérationnels au Burundi. Et le deuxième aspect, qui est aussi le corollaire de ce premier, c'est au niveau social. Nous avons la répartition des quotas, au niveau des quotas ethniques, pour la réconciliation, pour le partage du pouvoir entre les deux principales composantes ethniques burundaise. Nous avons les 60% pour les Hutus et les 40% pour les Tutsis au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Nous avons les 50% pour les corps de défense et de sécurité, etc., etc. Donc, l'accord d'Arusha garde une place prépondérante, une place importante dans la politique et dans la vie politique burundaise. Okay. Concernant le respect de cet accord, le politologue Bashimiwusa trouve que la communauté internationale garde un œil sur le Burundi. Encore une fois, suivez-le. La communauté internationale, on le rappelle bien, s'est beaucoup investie dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et on peut dire que la communauté internationale reste vigilante à l'égard de l'accord d'Arusha. Cela se remarque principalement au moment où il y a des crises politiques majeures. L'exemple que je donnerai, c'est en 2015, lorsque il s'est agi d'un conflit lié au troisième mandat présidentiel. Vous avez vu les balais diplomatiques qui sont venus au Burundi pour rappeler aux dirigeants d'alors qu'il faut à tout prix préserver l'accord d'Arusha, qu'il fallait à tout prix respecter l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha en cette matière. Donc la communauté internationale sait très bien que l'accord d'Arusha est un instrument important dans le domaine politique mais aussi dans le domaine social, et c'est pour cette raison que les yeux de la communauté internationale restent toujours braqués sur le dit accord. C'était le politologue Dr Denis Iwanchimiwusa. Et la bonne administration de la justice et la lutte contre l'impunité sont parmi les missions du projet de décret portant organisation et fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Ce projet a été adopté lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Dans un communiqué, Prosper Nhaouami est secrétaire général de l'État et porte-parole rappelle que la constitution burundaise prévoit la mise en place de cet organe en matière de justice suivie. Ce projet de décret vient préciser comment ce secrétariat permanent va fonctionner. Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature est appelé à coordonner les activités du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature et du secrétariat permanent du Conseil supérieur des parquets. Il est placé sous l'autorité directe du président de la République. Le secrétariat permanent du Conseil de la magistrature est composé de 3 cellules spécialisées chargées respectivement de la bonne administration de la justice et de la lutte contre l'impunité, de la discipline et de la carrière des magistrats et enfin des affaires administratives et des finances. Après échange et débat, le Conseil des ministres a adopté ce projet avec, entre autres observations, de préparer une note de présentation de ce projet de décret, combiner ou mettre sous le même chapitre les dispositions qui traitent un même sujet, bien cadrer le champ d'action du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les décisions judiciaires, car il n'intervient que pour des recours sur les décisions coulées en force de choses jugées. Préciser que le secrétariat permanent fait des propositions au Conseil supérieur de la magistrature et non au gouvernement. Les ministres en charge de la justice, de l'intérieur et de l'éducation nationale vont appuyer dans la finalisation de ce texte. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 18h08, poursuivons cette édition. Le rapatriement des réfugiés burundais connaît d'innombrables défis, dont la problématique de réintégration des rapatriés. C'est ce que reconnaît Nestor Mignimana, directeur général en charge du rapatriement. Et c'est après un atelier sur le rapatriement et la réintégration sociale des rapatriés avec les partenaires dans ce secteur l'après-midi de ce vendredi. Il demande aux intervenants dans ce secteur de contribuer considérablement afin de résoudre ces problèmes. Suivez Nestor Mignimana au micro de l'Inibel Nibigir. Le processus du rapatriement au Burundi, c'est un processus qui va dans le sens normal, mais avec des défis éventuels. Là, je citerai le défi qu'a connu le monde depuis 2020, le défi lié à la propagation du Covid-19. On ne parvient pas à atteindre le chiffre de planification. Suite à la réduction des effectifs que nos bus doivent transporter, les rapatriés sont aujourd'hui, ne répondent pas à l'appel lancé pour rentrer massivement. Là, je citerai par exemple, dans les pays voisins, il y a le Rwanda, où on a passé de 4 convois par semaine à 2 convois. On a passé de double au simple. En Ouganda, on a suspendu parce que là, on nous parle de la propagation d'une façon accélérée. Là, on a dû suspendre. Et je dirais, même au Congo, cette semaine, on a dû suspendre le convoi parce que dans les semaines dernières, nous avons connu beaucoup de cas positifs pour des convois successifs. Autre défi, ce sont des défis qui sont centrés au niveau de la réintégration effective et durable. La réintégration, c'est un processus aussi. Nous faisons rentrer des citoyens qui viennent de passer 5 à 10 ans, même les réfugiés de 1972 rentrent. Et là, vous comprenez bien qu'il y a des vulnérables à une échelle vraiment élevée. Il y a des défis liés à l'abri des sangs, les défis liés à la prise en charge ou la réintégration scolaire, les défis liés à la prise en charge médicale, les défis liés à la réintégration professionnelle. Nous demandons aux partenaires d'appuyer encore, de multiplier les appuis, et surtout que leurs appuis sont vraiment centrés au niveau de la réintégration. 98% des maisons érigées dans les 6 mètres des routes nationales passant par la province Lumonge sont déjà démolies. Consolateur Nitunga, gouverneur de cette province qui le déclare, demande à ceux-là qui disent posséder des titres les mettant à l'abri de cette mesure de vérifier leur authenticité. Suivez le gouverneur de Lumonge, Consolateur Nitunga, au micro de Jean-Pierre Misago. À peu près 2 mois que nous sommes en train de faire un travail louable en rapport avec la démolition des infrastructures qui ont été érigées anarchiquement dans l'emprise de la route, c'est-à-dire dans les 6 mètres de part et d'autre de cette route nationale numéro 3. Compte tenu de l'exécution des travaux, le taux d'exécution est satisfaisant parce que actuellement, dans toute la province, nous sommes à peu près à 98%. Ces 2%, c'est qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ont eu des titres de la part de l'État. Mais pour notre cas, nous avons mis en place un comité de suivi de ce qui a été dit par les 2%. Nous attendons l'aboutissement du travail. Nous demandons à toute personne qui sort le crâne avoir un titre de d'abord vérifier si réellement ce qui est mentionné sur le titre correspond aux indications se trouvant sur le terrain. Aussi, de voir ce qui doit être fait pour être en conformité avec les autres, comme vous le savez. Il y a des maisons qui ont été détruites. Toutes les maisons sont à 6 mètres. Imaginez-vous, les dites personnes qui se réclament avoir des titres sont devant eux. Ils vont être considérés comme des irréguliers. Donc, nous demandons à toute personne de s'aligner autour de la mesure qui a été prise. Malgré les documents qu'ils ont, en tout cas, il y a une irrégularité qui doit être relevée. Et ces mêmes personnes, ils voient ce qu'ils doivent faire pour être en conformité et à la ligne des autres qui ont déjà démoli leur maison. Nous demandons à ceux qui ont démoli les maisons de reconstruire en dur. Nous sommes en ville, nous sommes au bord du lac Tanganyika. Bientôt la route nationale numéro 3 sera réhabilitée très prochainement. Donc nous devons avoir en tout cas des maisons qui sont construites en dur et qui sont présentables. Pourquoi pas attirer les visiteurs qui viendront visiter notre province. Nous invitons la population de Rumonge de se préparer en conséquence, envie d'accueillir beaucoup de visiteurs. C'était Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumonge. Et pour boucler cette édition, le président de la République se réjouit du fait que les relations avec le Rwanda commencent à s'améliorer. Dans son discours lors des cérémonies de la journée dédiée à la jeunesse du parti au pouvoir, Imbonerakure, dite Imbonerakure Day, Evariste Ndayishimiye s'est dit satisfait que ce pays voisin est en train de s'amender. Quant aux plaintes qui subsistent concernant le mauvais fonctionnement de la magistrature au Burundi, le président Ndayishimiye a fixé un délai de 6 mois pour assainir ce secteur au Ben Nyonghuru. Dans son discours, le président Ndayishimiye a de nouveau pointé du doigt le personnel de la magistrature. Le président de la République a promis au Burundi de le remettre à l'ordre pour bientôt. Evariste Ndayishimiye s'est réjoui aussi que les relations avec le Rwanda voisin s'améliorent. Le président de la République a aussi donné le résumé de la nouvelle politique de gouvernance décidée par le récent congrès ordinaire du parti CNDD-FDD. Elle est axée sur 4 points dont la paix et la sécurité, la justice pour tous, la bonne gouvernance ainsi que le développement. De la commune de Gasurgué en province de Muyinga, Aubin Nyonghuru pour le compte de la radio Isanganiro. Merci Aubin Nyonghuru. Et voilà chers auditeurs, c'est par ici qu'elle met un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean Bosco Nduimana. Au revoir. Vue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. L'histoire nous a appris à être comme Saint Thomas, titre l'éditorialiste du journal Iwachu. Et c'est pour évoquer le dernier discours du président Evariste Ndayishimiye aux représentants de la magistrature. Ce confrère constate qu'il est allé droit au cœur des Burundais, fatigué par la corruption systémique et structurelle qui empoisonne la vie nationale. Jamais un chef d'État ne s'était pris à la justice burundaise en termes clairs et forts pour dénoncer ce fléau qui gangrène le pouvoir judiciaire, écrit Iwachu. Quoi que l'on dise, poursuit cet hebdomadaire, quelque chose est en train de changer. Les lignes bougent. Tout d'abord, un tel discours était impensable il n'y a pas longtemps. La preuve, explique notre confrère, selon plusieurs témoignages crédibles, le discours du président n'aurait pas plu à tout le monde. Tant pis pour eux, ou tant mieux pour le Burundi. Il est question de la vie de 12 millions de Burundais et personne ne va pleurer cette petite clique gênée, écrit encore ce journal. Naturellement sceptiques, ils espèrent que le chef de l'État, après les signes de bonne volonté, aille vite en besogne en opérant des réformes qui s'imposent. Ils attendent alors la suite, mais tout dépend de l'engagement du chef de l'État et de la détermination des citoyens. C'est donc possible. Autrement dit, conclut l'éditorialiste de cet hebdomadaire Iwachu, comme disent les Anglais, « never say never ». Le Burundi souffle ce samedi 21 bougies de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, rapporte Net Press, qui rappelle que c'est dans la nuit du 28 août 2000 que les protagonistes burundais, représentés essentiellement des politiciens du pouvoir et de l'opposition, des membres de la société civile, bref, de tous les secteurs de la vie nationale, ont apposé leur signature sur le document qui allait servir d'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation des Burundais. L'on se souviendra que les pourparlers étaient présidés par l'ancien chef d'État sud-africain Nelson Mandela ou Madiba pour les intimes, et que cet accord a été signé en présence de l'ancien président américain Bill Clinton, des délégations de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'ONU, etc., rapporte encore ce quotidien à ligne, qui rapporte enfin que la Constitution de 2018 apparaît aux yeux d'une large opinion de ceux qui y croient, car il y a d'autres qui l'ont toujours combattue, rappelle Net Press, comme l'étape ultime de l'abandon de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation des Burundais. Revue de la presse. Les enseignants redéployés demandent justice, rapporte la voix de l'enseignant, qui explique qu'après l'opération de redéploiement des années 2017 et 2018, la plupart des enseignants ont été remplacés par de nouveaux enseignants recrutés, de vacataires ou de bénévoles. Les clauses du retour des enseignants redéployés lorsqu'il y a une place vacante n'ont pas été respectées, regrette son confrère. Cette année, le recrutement privilégie la proximité zonale ou communale, les enseignants vacataires et bénévoles, ce qui pousse les syndicalistes à se demander pourquoi les enseignants redéployés ne regagnent pas leur zone, commune ou province d'origine. Cet hebdomadaire de l'éducation estime que seule la volonté ou l'orientation du gouvernement suffit. FSA, une institution financière méconnue, relève Burundi Echo. Ce journal fait remarquer que ce fonds de solidarité africain existe depuis bientôt 46 ans et que malgré cela, le Burundi, membre fondateur, n'a jusqu'ici bénéficié que de 1,9% d'appui général, soit 13,8 milliards de francs CFA, environ 30 milliards de francs burundais. La Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, CFCIB, estime que cela est dû à la méconnaissance de la banque et à la crise qu'a traversé le pays. Le président de la CFCIB, Audace Ndayizeye, note dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique que cette institution et le FSA sont à l'œuvre pour renforcer un accord cadre de partenariat, un mode opératoire de ce partenariat qui ont été négociés et signés depuis le 10 mai 2021 avec un plan d'action provisoire pour l'exercice budgétaire en cours. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduwimana. Merci de votre fidélité et restez branchés sur nos ondes.